La corporation minière Osisko qui accélère la cadence pour exploiter une mine d'or à ciel ouvert à Malartic. Pour discuter de l'avancée des travaux, on parle avec le vice-président finance et chef de la direction financière chez Osisko Exploration, M. Brian Coates. Bonjour, M. Coates. Bonjour. Vous avez obtenu le feu vert du gouvernement du Québec sous certaines conditions pour opérer une mine à ciel ouvert à Malartic. Comment se déroulent les travaux de préparatifs? Comme vous savez, nous avons obtenu le décret du gouvernement le 20 août dernier et nous avons reçu des permis pour lancer la construction le 27 août. Les travaux progressent très bien depuis. Nous avons près de 250 et 300 personnes qui travaillent sur le chantier aujourd'hui. On a avancé des travaux de bétonnage, des travaux sur la digue. On a débuté les travaux sur l'érection de notre bureau administratif et pour le service d'entretien de nos équipements. Et dernièrement, on a reçu notre première pelle l'entrepreneur est en train d'ériger. Ça fait les travaux avancent rapidement. Comme on vous avait souligné lors de plusieurs autres entrevues. Mm-hmm. Et avant de démarrer l'opération comme telle de la mine, vous deviez déplacer 140 résidences, reconstruire des établissements, une école, un CPE, des logements HLM également. Quelle est l'avancée de ces travaux de ce côté? Les trois de ces institutions-là ont été livrées à la communauté. L'école primaire, le centre d'éducation aux adultes et le CPE sont en fonction depuis le début de septembre. Et nous progressons sur les trois autres institutions. Au point de vue de la relocalisation, je vous dirais qu'on commence à en parler dans le passé, comme étant complété. On a un quartier qu'on a redonné à la ville de Malartic. Et dans l'ancien quartier, dans le secteur sud, nous avons commencé nos travaux de démolition qui avancent, qui progressent très bien aussi. Est-ce qu'il y a des propriétaires de maisons qui refusent toujours de déménager ou de quitter leur résidence? Je vous dirais qu'on est en négociation avec quelques-uns des propriétaires qu'on n'a pas été capable de conclure d'entente, mais ces discussions-là avancent. Et qu'est-ce qui se passe avec ces résidents-là, s'il n'y a pas d'entente? On continue. Je suis très confiant qu'on va avoir une entente. Il nous en reste quelques-uns. Ça fait... on est toujours ouvert avec les discussions et les discussions se poursuivent. Vous avez rencontré des gens d'affaires de la SAR hier. Quelles sont les opportunités pour ces gens-là dans votre projet? Je vous dirais que on a fait beaucoup de représentations auprès de différents entrepreneurs dans la région. Ces gens-là travaillent avec nous. Notre équipe de construction, sous la direction de M. Leclerc, a octroyé à date au-dessus de 500 millions de dollars de contrats, dont environ 82% ou 400 millions ont été octroyés au Québec et dont on parle d'au-delà de 150 millions de dollars de contrats qui ont été octroyés en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait, je pense que plusieurs des entreprises en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui ont l'occasion de travailler sur le projet canadien de Malartic. On en est très fiers et comme on avait souligné, ce projet-là serait réalisé avec une grande participation des entreprises de la région. Il y a un article du journaliste Michel Girard de la presse Affaires hier. On apprenait l'impact de la bonne performance de l'action de la corporation minière Osisko sur les marchés. Michel Girard qui parlait d'une hausse de 108% de l'action, ce qui a gonflé la performance de l'indice Québec boursier. On appelle ça le UQ30. Quel est l'impact de cette hausse fulgurante de votre action sur les marchés? Ça doit être plus facile, je suppose, de financer le projet. Bien, comme vous le savez, nous avons levé au-delà de 500 millions de dollars en bourse cette année. À date, je crois, depuis la fin 2005, on a levé environ 800 millions de dollars en équité et 335 millions de dollars des ententes pour le financement du projet. On se rappelle que c'est un projet d'un milliard de dollars. Notre performance boursière est excellente cette année. Avec la progression du projet, on a quand même vu une progression avec l'obtention des permis, le lancement de la construction. On a certainement notre performance boursière, on a offert un rendement très favorable pour nos actionnaires. Dans le contexte où est-ce que l'avancement de notre projet ou aussi dans la croissance du prix de l'or. Est-ce que vous attendiez une telle performance de la part de votre titre boursier? Je vous dirais que nous, on croit que c'est un titre qui va continuer de performer suite à l'avancement des projets et à l'approche qu'on devienne producteur. On est quand même une des sociétés québécoises qui sont cotées à la bourse les plus importantes. On a une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars. C'est certainement quelque chose qu'on continue de travailler très fort pour nos actionnaires. Brian Coates est vice-président finance et chef de la direction financière chez Osisko Exploration. Merci beaucoup pour cette entrevue ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir.